Absorbé par un docu sur l'univers, l'insomnie est son fléau. Les yeux sur un écran jusqu'à voir fluo. Je regarde par la fenêtre, la lune est verte. Plongé au confluent des époques, j'ai jamais voulu m'y faire. Elle pleut. Tu me fais défier les lois du sommeil. Me retourner la nuit au point d'enlever les lattes du sommier. Le bruit des feuilles mortes qui raye le trottoir. Mon reflet dans cette flaque, mais je peux plus me voir, ça me rappelle trop toi. Quand on se croisait chaque matin dans les transports, le premier sourire avant que tout se mette à dériver. La première blague complice, la première fois qu'on s'est griffé. Quand je te regardais dormir et que j'écrivais. D'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. D'où sors-tu, ta douceur tu. J'écrivais d'où sors-tu, ta douceur tu. Il était 12h10, j'étais de sortie. Puis t'as mis tout en dessus, dessous sans me dire que t'avais toutes sortes d'idées de toutes sorties. Je t'ai pas croisé dans le bus ce soir. Pour t'oublier, je m'affligeais toujours plus de taf. On s'est rayé de nos vies tellement brusquement. J'ai l'impression que ta famille me manque plus que toi. Tu ne penses qu'aux autres. Tu ne penses pas à moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Tu ne penses qu'aux autres. Tu ne penses pas à moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Brisé son cœur sur moi. Il y avait écrit blanc sur moi. C'est fini entre toi et moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Brisé son cœur sur moi. C'est fini entre toi et moi. Hier encore j'avais les yeux posés sur ton visage. Les yeux posés sur ton visage. Hier encore j'avais les yeux posés sur ton visage. Les yeux posés sur ton visage. Pour attraper le temps on n'aura pas assez d'un seul siècle. Un nuage crevé jette ses pointillés sur le sol sec. Trop de fierté qu'on aime nier. T'aimerais qu'on reste amis, je préfère être ton ennemi. On se voyait dépravé en face à Don Ricane. Nos écrans en guise de barricade, on s'envoyait des pavés. Tu me reprochais de partir voir mes frères avec des airs mystérieux. Vaut mieux avoir de sérieux amis que des amis sérieux. Trop de fierté qu'on aime nier. T'aimerais qu'on reste amis, je préfère être ton ennemi. Est-ce qu'on aura la chance que ça recommence, ça dépend. Maintenant la seule chose qu'on a en commun c'est des potes. Tu ne penses qu'aux autres. Tu ne penses pas à moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Brisé son cœur sur moi. Il y avait écrit blanc sur moi. C'est fini entre toi et moi. Elle a brisé son cœur sur moi. Brisé son cœur sur moi. C'est fini entre toi et moi. Je m'en vais, je ne reviendrai pas. Combien de rois, combien de lois, combien de choix, combien d'épreuves, combien de disputes, combien de preuves, les mots d'amour se disputent, combien de saisons, combien de liaisons, combien de scissions, combien de lésions, combien de grains de sable, combien de dunes, combien de craintes folles qu'on évacue, combien de galaxies, combien de lunes, combien de brins de femmes, je n'en vois qu'une.